où se mettre en ménage, j'ai beaucoup d'ouvrages, et le mariage, elle ne ferait pas loup, elle ne ferait pas loup. Un contrat m'engage, j'épouse Margot, un contrat m'engage, j'épouse Margot. Son hivervolage est presque le cage d'un mauvais loup, d'un mauvais loup. Contrat m'engage, j'épouse Margot, son humeur volage est presque le gage, est presque le gage d'un mauvais loup, d'un mauvais loup. Mais contre l'orage, on met en usage les moyens qu'il faut, les moyens qu'il faut. Une femme est sage quand l'homme en amour n'est pas un sot, n'est pas un sot. Mais contre l'orage, on met en usage, mais contre l'orage, on met en usage les moyens qu'il faut, les moyens qu'il faut. Une femme est sage quand l'homme en amour n'est pas un sot, n'est pas un sot. Se mettre en ménage, j'ai beaucoup d'ouvrages, et le mariage, elle n'en ferait pas loup, elle n'en ferait pas loup. Un contrat m'engage, j'épouse Margot, un contrat m'engage, j'épouse Margot. Son hiver volage est presque le gage d'un mauvais loup, d'un mauvais loup. Contrat m'engage, j'épouse Margot, son hiver volage est presque le gage, est presque le